Bonjour Florence Piron, tu es professeure à l'Université Laval et présidente de l'association Sciences et Biens communs qui nous a permis de venir et de présenter ActionPhD aujourd'hui. Alors j'ai trois petites questions à te poser. La première, qu'est-ce qui pour toi est le point majeur qui ne va pas dans la recherche aujourd'hui ? Alors il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais je dirais peut-être que le point majeur, c'est la difficulté des chercheurs à se sentir citoyens. Donc, à comprendre qu'ils font partie d'un ensemble social, culturel, et qu'ils ne sont pas dans une tour d'ivoire. C'est difficile parce qu'on les a dressés, on les a formés à se penser dans une tour d'ivoire. Or, ils font partie d'une société, d'une communauté. Ils sont aussi des citoyens. Citoyens avant tout. Voilà. Et je suis sûre que s'ils comprenaient mieux qu'ils sont des citoyens, ils développeraient des pratiques de recherche plus responsables socialement, plus proches des préoccupations de leurs concitoyens. Et donc, ça ferait une science vraiment bien connectée aux enjeux de la société, aux biens communs, etc. Donc ça répond peut-être un peu à la seconde question, c'est vers quoi tu aimerais que la recherche tende, vraiment ? Alors j'aimerais que la recherche soit moins, soit dans une tour d'ivoire, soit dans un espèce d'univers abstrait, où il y a les liens sont internationaux, les publications, etc., sont comme dans un monde à part. Et j'aimerais que les chercheurs s'adressent beaucoup plus à leurs concitoyens ou à des citoyens quand ils écrivent, et pas seulement à un groupe sélect de pairs. D'accord. Et est-ce que tu as des idées d'initiatives pour y arriver à cette science ? Alors oui, moi je pense que l'enseignement de l'histoire des sciences, de la sociologie des sciences, de l'éthique des sciences de manière plus systématique à tous les étudiants, même depuis l'école secondaire, les amener à réfléchir sur la science dans le système éducatif ou par des jeux sérieux, toutes sortes de moyens, ce serait une façon de les amener à ne jamais oublier qu'ils sont des citoyens. Mais il y a aussi toutes sortes de petits projets comme les boutiques de sciences qui permettent de rapprocher les étudiants de la société civile pendant leur formation, qui pourraient être très efficaces aussi. D'accord. Et est-ce que tu as une phrase comme ça à donner à la communauté Hack Your PhD qui est à la fois des chercheurs et des non-chercheurs ? N'imaginez pas toujours que vos rêves sont impossibles. Super. Merci beaucoup.